pardonnez-moi si par hasard, oh, oh, vous m'entendez parler tout seul. C'est plus fort que moi, je me fais toujours du cinéma. J'imagine que tout le monde m'écoute. Oui, mais moi je suis tout seul. Dans ma voiture, à toute allure, oh oh, j'ai l'air d'un fou. J'imagine que l'on vit ensemble, mais moi je suis tout seul. Je te parle, je te dis je t'aime, je me fais du cinéma. Tu me regardes, tu me souris même, tu me fais ton cinéma. Je t'embrasse, mes mains te caressent. Du cinéma. T'es pas venu comme d'habitude, oh, oh, toujours plus fou. Je pleure tout seul. Je t'appelle, je te supplie. Bye.